pardon. Fondamentalement, le peuple québécois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en dissonance cognitive majeure. Le chiffre 6, c'est le triangle qui est l'idée, qui est le résultat, sur un autre triangle. Ça veut dire l'idée positive sur l'idée négative, donc réflexion. Alors, l'humain va être en réflexion. Il va se demander si je dois-tu y aller ou pas. J'aimerais-tu en acheter ou pas? Après ça, il va dire, ah, j'aurais dû en acheter. Ah, j'aurais pas dû en acheter. Bon, bon. Un autre chiffre, on va prendre une personne en avant. Ici, en arrière, on n'a pas les bons chiffres. Madame? Venir. Madame, nous sort, vous nous donner un chiffre de 1 à 16. De 1 à 16? Mm-hmm. Yeah. Un des points importants pour aider à changer les choses, c'est que l'humain va, le peuple québécois, en grande majorité vous ici dans la salle, parce que surtout la résonance de la salle qu'on a, vous allez être attiré à bouger, à vous prendre en main. Probablement qu'il y en a plusieurs ici, vous allez approcher un seuil d'écœurement. Alors vous allez vouloir bouger, vous prendre en main, voyager, sortir, sacrer votre camp, changer de monde. En tout cas, il y a des choses comme ça qui vont probablement arriver ou qui existent déjà au niveau du peuple québécois. Un dernier chiffre de 1 à 15, madame? 9. Alors, le peuple québécois toujours, et vous ici pour la majorité, le fondement même, à part, pas savoir ce qu'il veut, réfléchir, avoir le goût du changement, de la création, du mouvement. 9, ça veut dire le culte, l'ésotérisme, 1980, tout à l'heure on a vu les 9. Donc, grosso modo, le peuple québécois est un peuple occulte. Ça y va avec ces petites cartes ici. On a commencé par le chiffre 11. Alors, on va y aller. On a la force. OK, la carte 11. Ça donne. Je disais que vous connaissiez, mais en tout cas, disons. Alors, le peuple québécois. L'astral, ce qu'elle réserve au peuple québécois dans l'année 90, ou la majorité des gens qui sont ici, ce sont des choses passives. Et probablement qu'occultement, il y a énormément de mécaniques astrales qui ont tendance à préserver le Québec. Donc, ils vont s'arranger pour développer dans le Québec une force. Une force qui va permettre aux Québécois de contrôler de plus en plus certaines mécaniques ésotériques. Ça, on va voir si les cartes veulent nous en parler. Les cartes ne nous parlent pas, évidemment, mais on va voir si ça va nous tenter d'en parler avec les autres cartes. Ce qui n'arrivera pas. Qui n'arrivera pas. Ben vraiment, le Québec est relativement protégé. Vous êtes chanceux. Ce serait bon d'en profiter, c'est que la majorité des retombées karmiques du Québec vont être bloquées pour les prochains mois. Non seulement une force qui va s'établir, mais en plus, l'astral va accepter de ne pas t'approcher, de ne pas punir, disons. Parce que l'astral, ça punit. L'astral, ça, c'est une connerie, ça. Alors, c'est de les lois de rétribution. Ici, on vous parlait tout à l'heure qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Puis les cartes qu'on a ici, c'est la justice dans le contexte qu'on n'aura pas. Donc, il n'y aura pas de karma, ce qui fait que ce qui normalement devrait être négatif pour le Québec va probablement être absous. C'est dans les plans de l'astral pour l'année 93. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Parce que l'intervention d'intelligence, là-dedans, on ne la connaît pas. Et on avait dans les apports extérieurs la carte 1. Bien, le chiffre 1. Et la première carte, c'est la carte 0, qui est le fou. Le fou, c'est un personnage qui a un bâton pour marcher, il tient en arrière de lui, donc il ne s'en sert pas. Il a un bagage, il tient ça sur la mauvaise épaule, en arrière, donc il ne sert pas non plus de ses bagages. Les apports extérieurs vont être des apports très mélangés pour manipuler l'humain. Et la carte qui sort est une carte qui va faire en sorte que la majorité parmi vous, non seulement vous allez être en dissonance cognitive, mais en plus vous ne vous servirez pas convenablement de ce que vous savez déjà des mécaniques de la vie. Ce que l'astral réserve. 12. Et 12, on a la carte 13 qui est la mort. La majorité des personnes ici dans l'astral, c'est prévu que plusieurs parmi vous allaient en avoir ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. La mort, c'est pas la mort physique. C'est la maison de Dieu qui est plus une mort physique au niveau du tarot. La mort, c'est plus une mutation psychologique, un changement. Donc, l'astral a prévu qu'il y aurait probablement plusieurs individus qu'elle perdrait, qui muteraient suffisamment puis qui changeraient totalement. C'est prévu au niveau des plans de l'astral. Ça a un avantage, c'est que l'astral, si elle le prévoit, c'est qu'elle va laisser ces gens-là s'en aller. Donc, finalement, se libérer. Force, entièrement au niveau de ce qu'est le peuple québécois ou de ce que sont les gens dans la salle ici, vu que vous êtes tous télépathes et que vous avez participé, n'est-ce pas, à cette sortie de carte. On a ici le soleil. Au fin fond de vous, vous avez la réflexion. Et pour la majorité, à travers l'année, ça va être le bonheur pour vous de réfléchir. Être heureux là-dedans. Bon. C'est parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas... L'autre carte ici, c'est l'amoureux qui est la carte 6, basée sur le phénomène du changement, mais le 6 reste la carte où on ne sait pas quoi faire. Le peuple québécois est heureux de réfléchir. C'est un peuple intellectuel pour moi, ça ne décide de rien, ça pense. Et une autre carte ici, qui est une carte relativement tempérée. C'est-à-dire que, hélas, au fin fond de vous, pour la majorité, même si vous êtes occulte, ésotérique, quand on parle d'occulte, ça veut dire que c'est caché. Ce n'est pas des choses qui sont connues partout. Ésotérique, ça veut dire qu'il provient du plus profond de l'être humain. Ésotérique, exo, extérieur, qui provient de l'extérieur. Pour la majorité des personnes parmi vous ici, dans ce que vous avez au fin fond de vous, vous en mettez une partie de côté, une partie que vous essayez d'appliquer. Autrement dit, il faudrait couper, par exemple, dans le sucre. Vous dites, OK, c'est vrai, on va couper les sucres blancs et pas les sucres bruns. Bon. Alors, vous dites, vous devriez être plus calme et vous occuper de vous. Puis, ouais, OK, c'est vrai. Bon, une journée par semaine. À l'intérieur, fondamentalement, pour 93, l'astral prévoit très bien une forte manipulation pour faire en sorte que la majorité d'entre vous ne puissiez pas appliquer suffisamment ce que vous savez. Et pour couper le tout, un chiffre de 1 à 1,845,427. 249,649. Le fondement final du peuple québécois et de vous pour l'année, ce que l'astral réserve, c'est beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que l'astral va s'arranger pour vous donner beaucoup de méditation, d'idées. On va vous promener d'un bord puis de l'autre. On va vous faire voir du blanc. Après ça, on va vous dire peut-être c'était gris. Ça, vous allez vous poser des questions. Ça va être une année intéressante. Ce que l'astral prévoit finalement, c'est assez juste. C'est sûr qu'on regarde, en grosso modo, ce que l'astral prévoit. Pour l'humain, elle prévoit pas trop de catastrophes, grosses manipulations, beaucoup de dissonances cognitives, pas de contrôle, mais elle prévoit, ça c'est la partie qui m'intéresse le plus, elle prévoit que plusieurs êtres humains, à travers les gens qui sont ici ou du Québec, vont avoir la possibilité, à un moment donné, de s'écœurer suffisamment, sans trop de souffrance, il n'y avait rien de catastrophique, pour se prendre en main et vouloir se retirer des manipulations astrales, donc renaître, devenir des êtres intelligents, et agir sans être manipulé par l'astral. Puis l'astral a prévu que ça arriverait, puis elle laisse aller. Comment ça qu'elle n'a pas prévu de les retenir? Probablement parce qu'elle a trop de humains à fouetter ailleurs. Occupée dans le golf, puis ailleurs, oui, c'est très occupé dans le golf, hein. Mais par rapport, bon, on a vu pour l'astral, mais l'intelligence là-dedans, y a-t-il moyen d'aller chercher... Quelque chose de neuf qui va arriver en 93, pas nécessairement un événement, mais une saveur. Et qui va arriver, là, il faut faire attention, il y a des plans d'intelligence. De ce qui va descendre ou de ce qu'on va être tenté d'exprimer, là, on peut dire. Avril, c'est le mois le plus intéressant au niveau de l'intervention d'intelligence pour l'humain. Le mois d'avril, ça va être le mois cette année où il y aura une intervention plus matérielle de l'intelligence. C'est un mois où si les individus qui ont suffisamment d'intelligence s'arrangent pour se prendre en main, ce qu'ils préfèrent à partir de maintenant, mais en mars, il y aura des êtres humains qui, il y aura, ouais, pas beaucoup, mais quand même, qui vont entrer en contact direct, je parle personnel, matériel, avec des transtemporels, donc ce que lui m'appelle des extraterrestres souvent, mais qui viennent plutôt du temps. Et à partir du mois de mars, il y aura des contacts directs et réels. À partir du mois d'avril, pour la majorité des conscientisés, si s'il gère convenablement, il y a des choses pour faire attention, c'est que l'astral, si elle s'en mêle, évidemment, elle vient perturber l'affaire, mais si mentalement, ici, il y a une gestion de la finance convenable, les personnes vont être capables d'aller chercher beaucoup d'argent au mois d'avril. L'intelligence a prévu de permettre à des gardiens de la finance de libérer de la finance pour des êtres en ascension. Est-ce qu'il y a un lien entre la rencontre avec les transtemporels et la libération au niveau de la finance? Non. Bon. Disons que ça arrive bien ensemble quand même. C'est intéressant. Oui. Tu n'as rien élaboré là-dessus? Non, là, je suis en train d'expliquer un peu des choses. Mais c'est parce que c'est deux choses que... Disons que ce sont intéressantes à l'argent. Ça fait longtemps qu'on travaille. Au mois de novembre 1993, il va y avoir un contact plus... C'est prévu. Un contact plus puissant entre des mécaniques de cure et certains corps physiques d'humains qui sont en ascension. Pour le mois de novembre, ça veut dire que progressivement, il va y avoir des adresses qui vont être données au niveau de la conscience pour permettre à certains êtres humains de se faire nipper le corps physique. Parce que beaucoup de corps sont usés par les mécaniques de la vie et qui, de par ce fait, nuisent à l'expression d'intelligence. Donc, il y aura des êtres humains qui, à partir de novembre, enfin, il y a un contact prévu entre des mécaniques, on pourrait dire des médecins. Mais ce n'est pas des médecins, là, je ne parle pas des bouchers. Non, mais c'est bon ce qu'ils peuvent faire, là, mais ça dépend de ce qu'on vit. Bon, en tout cas, novembre. En 1993, il y a énormément d'interventions. L'intelligence a prévu de réveiller énormément de gardiens de la finance, donc c'est ce que ça revient à ce que j'ai mis ici. Tout au long de l'année, il y a énormément d'individus qui présentement sont endormis au niveau de la conscience, sont conscients que ça va mal, mais ne sont pas capables de percevoir où il y a d'intelligence. Ces êtres-là vont se faire réveiller progressivement à travers l'année. C'est prévu au niveau d'intelligence. Ça veut dire que socialement, il y a des chances pour les êtres humains qui sont en contact avec l'intelligence et qui n'ont pas trop d'ego, il y a des chances que ces personnes-là puissent s'associer ou s'allier, se connaître, s'amitiser de plus en plus, de façon à rendre plus agréable la partie de transition. Puis l'astral prévoit de les laisser aller. Tu veux dire qu'ils s'allient entre eux autres? Oui. Puis ceux qui vont être réveillés, non? C'est les gardiens de la finance. Il y a plusieurs personnes qui font partie des gardiens de la finance, des gens que souvent on trouve un petit peu épais, qui subitement vont commencer à prendre conscience et ils auront besoin de soutien parce que là où ils vont parler, ils vont être rejetés parce qu'ils ont toujours été un petit peu bizarres, endormis. Et quand tu dis que c'est bon du sucre, c'est bon du sucre, c'est bon du sucre, deux semaines après tu dis c'est plus bon du sucre, et personne ne t'écoute. Ils t'offrent peut-être une barre Mars, une barre Lune, mais il n'y a pas. Une barre Mars. L'intelligence, bon, et ce qui arrive, c'est que on doit comprendre certaines petites choses. Si vous tous, Albert Einstein aimait faire ce genre de petits trucs, un test de pensée, une théorie, on ne peut pas la vérifier dans la matière actuellement, n'empêche qu'elle peut être totalement prouvable, elle est vraie. Vous êtes tous au monde et vous avez tous un corps physique et vous avez tous le sens du toucher. Et c'est tout. Rien d'autre. Mais si je vous fais des prédictions, évidemment, on va les faire avec le toucher, tu sais. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'est tel mois. Bah, ça va aller mal. La vision du monde que vous allez avoir va être une vision tactile. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne sentez pas, vous ne goûtez pas. À un moment donné, dans votre conscientisation, il y a des sens qui apparaissent. Il y a le sens, par exemple, de l'odorat et du goûter qui apparaissent. Là, vous goûtez et vous sentez. Et au départ, c'est une panique généralisée. Parce qu'avant, là, vous vous tapiez le nez sur un mur, puis là, maintenant, vous tapez tête, ça pue. Là, vous devez décoder. C'est un choc. À un moment donné, on va vous donner l'ouïe. Non seulement vous vous tapez, ça pue, en plus ça fait bang, vous vous sautez dessus, et là vous entendez du monde, vous entendez tout ce qui se passe, puis le monde que vous connaissiez, qui était boss de telle façon, il est éclaté complètement. Maintenant que vous vous êtes fait une idée du monde, Être capable de percevoir les distances que vous pouviez difficilement faire avant. Vous entendez du vent, vous entendez de l'eau, vous entendez des moineaux, vous entendez du monde. Vous êtes capable de sentir, vous êtes capable de goûter, vous êtes capable de toucher. C'est le monde. À un moment donné, quelqu'un arrive et vous parle de la lumière, vous parle des couleurs. Pas capable de rien comprendre de ce qu'il dit. Le charabia absolument incompréhensible. Lui, il vous parle d'une autre dimension de la vie. Celle de la lumière. Les couleurs, les formes, la distance. L'humain, à cette époque-là, vous autres, n'ayant pas Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il vient compter. Et là, si à un moment donné, il vous dit, c'est prévu un grand bagne, c'est prévu un grand poc, c'est prévu un grand pet, pour l'odorat. Tu restes la bouche ouverte, le goûter. Et c'est prévu un grand flash. Ben, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on entend par un grand flash. Alors, ça fait partie, ça, du monde de l'irréel. Il est là. Mais si vous n'avez pas d'œil, puis qu'à un moment donné, il y a une explosion majeure au niveau lumineux, une explosion dans une bombe nucléaire, ça, vous connaissez ça un petit peu, ça explose. Alors, évidemment, il y a la lumière. Vous ne la voyez pas. Donc, c'est rien passé pour vous. Quelqu'un qui parlait, qui définissait l'explosion d'une bombe nucléaire, la lumière, le flash, etc., ça fait partie d'un monde parallèle. Ça ne vous concerne pas. Mais c'est là. Et ça peut être gravement dangereux pour ceux qui ont des yeux. Ensuite va venir, par exemple, la chaleur, le souffle, la radiation. Il y a plein de choses que vous pouvez comprendre. Le bang, vous allez le comprendre. L'explosion, le souffle, vous allez le comprendre, c'est le tactile. Tout va changer autour de vous, vous allez être capable de goûter, de sentir. La radiation, c'est corporel, vous allez le sentir. Mais la lumière, le flash, rien à voir. Quand moi, je vous parle de plan supramental, je vous parle d'un plan en haut. À un moment donné, on va vous donner des yeux. Puis là, vous êtes capable de voir des couleurs, de voir ce qui fait du bruit, de voir le voisin qui s'en vient, de voir ce que vous touchez, de voir ce que vous goûtez. Puis votre définition du monde mute totalement. Vous êtes capable de prévoir à distance un bruit, de prévoir à distance un toucher, une balle de baseball qui vient vers vous. Bon. Vous êtes capable même de crier avant qu'elle vous frappe. Mais vous êtes capable de prévoir. Vous avez des yeux. Quand je parle d'intervention supramentale, quand je parle de l'intelligence, je parle d'un plan qui se voit par le cerveau, qui se voit par le corps, qui se voit par le corps astral, par le corps vital, par le corps mental, mais qui, pour la majorité des êtres humains, fait partie du domaine de l'invisible, donc même du domaine du théorique. Quand je dis que l'intelligence a prévu des choses pour 93 pour l'être humain, il y a effectivement des êtres. Bon, combien de personnes disent, combien de personnes croient aux extraterrestres? C'est moi, 6 millions. C'est faux. Voilà. OK. Mais, il y a beaucoup de monde. Bon. Mais, combien en ont vu? Ah, 10. C'est faux aussi. Je peux donner d'autres chiffres aussi? Mettons 5 % 5 % sur une population. Il est rusé. Ben oui, c'est ça, j'ai pas pensé à ça. Bon. Combien parmi ceux qui disent en avoir vu en ont vu? Je pensais pas que ça allait être ta question. Ceux qui en ont vu, moi j'en ai une question. Ceux qui en ont vu, est-ce qu'ils en sont? Ben c'est sûr que ceux qui en sont l'ont vu, ça. Ça règle déjà une partie de la question. J'en ai aucune idée. Mais il doit y en avoir beaucoup qui l'ont vu dans l'imaginaire. Il y en a beaucoup qui l'ont vu vraiment. Mais parce que l'astral, chaque fois qu'on expérimente quelque chose dans la matière, c'est mémorisé dans les structures d'oxygène et de carbone de l'atmosphère, qui sont la majorité des matrices mémorielles de l'astral. Donc, c'est mémorisé dans l'astral. Si quelqu'un rencontre un extraterrestre, c'est pas long qu'il y en a qui vont rêver qu'il rencontre aussi, puis il y en a qui vont s'imaginer qu'il rencontre parce que l'astral les manipule avec ça. Il n'y en a pas nécessairement vu, mais c'est là. Une personne va dire, un sceptique par exemple, va dire, il y a presque personne qui en a vu. Bon. L'Australie, l'as-tu déjà vu? Non. Bon. Y a-t-il beaucoup de monde qui disent qu'ils l'ont vu? Non. Pas dans ce que tu connais? Non. C'est en pleine terre que l'on voit. Il y a beaucoup de monde qui ont vu l'Australie. Ah oui, oui. Bon. Mais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, puis on est sûr, on va croire à l'Australie. La première fois qu'une personne a vu l'Australie, t'es tout seul de l'avoir vu. La première fois qu'une personne a dit la Terre est ronde, tout le monde disait qu'elle était plate. Le problème, c'est que l'humain se fie sur la quantité d'individus pour concevoir qu'une vérité devienne réalité. Au niveau des phénomènes extraterrestres, au niveau des phénomènes transtemporels, au niveau des phénomènes supramentaux, toutes ces choses-là sont là. La science accepte l'émotion, comme les sceptiques, par exemple. Ils acceptent que l'être humain peut aimer. Pas prouvable. Mais vu qu'eux aiment, ils acceptent. Ils vont accepter que l'être humain réfléchit, pense. Manipuler l'humain, mais il pense. C'est l'imagination. Pourquoi qu'ils acceptent ça? C'est pas prouvable. Prouve-moi que tu penses. Prouve-nous que tu penses. Quand, à toutes les fois que je parle, je prouve l'inverse. Mais Ferrand, prouve-nous que tu penses. Que je pense ou que je pense que je pense? Non, mais tu comprends le principe? Oui. Voulez-vous me prouver que vous pensez? Vous ne pouvez pas. Parce que les sceptiques pensent, ils vont nécessairement dire, c'est sûr. À l'instant où toi tu commences à voir à travers les murs, peux-tu me prouver que tu vois à travers les murs? Là, tu vas dire, ben c'est simple, t'as qu'à me dire ce qu'il y a de bord. Mais si tu vois avec ton cerveau dans le monde astral, l'autre côté que tu vois, c'est peut-être l'autre côté dans un an, dans 6 mois, de v'là 20 ans, ça peut être bien des choses. Et là, comment prouver? Pouvez-vous me prouver que vous avez de la mémoire? Ben, v'là 2 ans, on s'est rencontrés à telle place. Si je m'en rappelle pas, moi, mais ça ne prouve pas qu'il y a de la mémoire. Ça prouve que l'aide pas à l'affaire. Mais ça prouve que tu n'en as pas. Bien, ça n'est pas du point de vue. Mais la personne qui les juge, si elle n'est pas capable de vous suivre là où vous allez, bien évidemment, vous allez avoir tort. C'est ce que l'astral fait en majorité pour les individus qui se conscientisent. Il y a des personnes, il y a une personne, à un moment donné, une personne qui est un petit peu bizarre. Elle se promène dans un chemin, et puis avec un enfant. Et puis, à un moment donné, dans le bois, en pleine forêt, puis là, elle descend, c'est dans une montagne, elle va s'accrocher sur le bord d'une roche. Puis là, elle se met à coup de la flûte, parce qu'elle se pousse. Puis là, à un moment donné, elle entend des automobiles qui passent en bas de la côte. Puis des camions. Mais comme elle sait qu'il n'y a pas de route là, enfin, elle ne connaît pas trop le bois, mais elle pensait qu'elle était loin de la civilisation. Alors, elle descend là avec l'enfant, elle arrive en bas, puis finalement, elle voit une route assez large, asphaltée, avec des camions qui passent, des vannes, des bons. Alors, quand elle remonte, elle se perd là où elle allait, autrement dit, elle se retrouve. Et puis, elle me demande, c'est quelle route qui passe là? Alors, moi, je lui montre la carte, il n'y a pas de route qui passe là. Et la personne se dit, bon, mais crime, je suis quand même pas folle. C'est ce qui arrive pour la majorité des êtres humains. Moi, je lui dis, non, t'es pas folle. En plus, le petit gars qui est avec toi, est-ce qu'il l'a vu aussi? Ben, elle me dit, oui. Bon, mais lui aussi, je le connais. Lui aussi, il n'est pas fou. Fait que si tous les deux, vous l'avez vu, c'est qu'il y avait une route. C'est simple. Elle me dit, ouais, c'est bien beau, mais. Là, ils se sont tournés voir. Ils n'ont jamais trouvé la route. Ils ont trouvé la roche, ils ont trouvé la côte, ils sont descendus jusqu'en bas. Il n'y a pas de route. Là, ils remontent, puis la majorité des personnes vont vivre dans les années, puis vivent déjà là, ces problématiques-là. Ben, crime, d'abord, j'ai dû rêver ça. Et moi, je lui explique, écoute, la route que tu as vue, qui n'est pas là, mais vu que c'est toi qui l'as vue, puis que c'est lui qui l'a vue, vous l'avez vue. Donc, c'est une route qui va exister dans l'avenir, ou bien, vous étiez dans un mélange de continuum, c'est une route qui existe ailleurs. Ouais, mais... Et puis quelques années après, ben là, la municipalité a commencé à asphalter très loin dans la forêt parce que la future autoroute 30 va passer là, à peu près exactement où ils étaient. Mais ça, même les plans n'étaient pas prévus à l'époque. Fait que la personne, elle a vu la route dans l'avenir. Bon. Et là, la question qu'elle me pose une fois qu'elle constate ça, quelques années après, « Ah, mais ta marotte, hey, ça va rester pogné là, ça arrive à quoi? »« T'es pas resté pogné là. »« Bon, resté pardonné. C'est bon, ben. » Ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'intervention supramentale, il y a des choses qui sont prévues, il y a des messages qui sont donnés. Dans les manipulations astrales, il arrive toute une maudite panoplie de phénomènes. Puis l'être humain n'ose pas accepter ce qu'il vit et ce qu'il voit. C'est pas tout des réalités. Ça peut être de l'imaginaire que tu as vu. Tu es dans un monde imaginaire, mais le monde imaginaire existe. Sauf que tu ne pourras pas en ramener une pièce. Il existe dans la l'astral. L'humain n'est pas fou. Alors, il y a plein de gens qui ont vu des extraterrestres, il y a plein de gens qui vont en voir, plein de gens qui ont vu d'autres êtres, il y a plein de gens qui leur ont arrivé une affaire. Sauf que ces gens-là se refusent constamment à ces choses-là. C'est un des phénomènes extrêmement importants si on veut bénéficier d'interventions d'intelligence supramentale au cours de l'année 93. C'est, vous voyez quelque chose, là, un avion qui vous fonce dessus, l'avion, puis là. Pensez pas que vous êtes fou, que vous êtes folle. penser qu'il y a un avion quelque part qui est posé. Puis c'est vrai. C'est tout. Moi, j'ai commencé à expérimenter ça, j'étais assez jeune. Je passe dans ce vici. C'est au Guatemala. J'étais sur le bord d'une plage, sur le bord de la mer. Et à un moment donné, il y a un train qui m'a foncé dessus. Puis il s'en venait, ça criait par là. Les rails se faisaient au fur et à mesure qu'ils s'en venaient. Il y en avait pas où j'étais. Et puis, à un moment donné, ben là, j'ai crié plus fort que le train, que ça se pouvait pas. Puis il n'y avait plus de train. Il n'y a pas de trace à la plage, il n'y avait rien. Mais la mémoire de l'expérience, j'étais réellement devant un train. Ça veut. Puis là, j'ai commencé à me rendre compte. Pas me demander crime, je suis peut-être fou, peut-être j'ai trop pris d'eau, peut-être que l'océan Pacifique est pollué et il m'empoisonne. Peut-être des théories. Donc, tout ce que je me suis dit, c'est que je devais être mélangé pas mal. Je devais être à deux places en même temps. Tantôt, tu mentionnais beaucoup de plus de contacts en 93 avec des êtres extraterrestres ou extratemporels. Là. Est-ce que ça peut être aussi des expériences de ce type-là, comme ce que tu viens de mentionner, ou un voyage astral beaucoup plus, ou un rêve beaucoup plus réel qui serait dans le temps? Puis... Le contact avec les êtres transtemporels va se faire pour certains individus, ça va être photographiable. Donc, ça va être suffisamment là. Les témoins vont assister. Ça, c'est sur le plan physique. Oui, même chose pour les dans la conférence ici. Sauf que pour d'autres individus, lentement, ils vont être préparés à travers leur rêve, à travers leur sommeil, puis à travers des mélanges de continuum, c'est-à-dire que de temps en temps, ils vont avoir l'impression d'être suivis, l'impression de ceci, l'impression de cela. Mais l'astral aussi qui fait jouer ces affaires-là. Là. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, crème, j'ai l'impression d'être suivi. Hey, il y a un transtemporel qui me court après. Le pape, c'est un jour de l'eau, c'est fait violer. Non, mais il faut que lui-même fasse attention. C'est un maniaque transtemporel. Est-ce qu'à partir du moment où on va avoir un contact avec des êtres transtemporels, est-ce que ça va nous faciliter la tâche? Non, la tâche ne peut pas être facilitée par l'intervention extérieure à toi. Il faut que chaque être humain fasse. Non, mais c'est parce que l'humain pour moi, là, un contact transtemporel, c'est un contact avec moi. Fait qu'il, non, c'est... Ouais, oui, mais oui, mais non. C'est spiritualisé. T'as contact avec un phénomène comme toi, on comprend, c'est toi de l'avenir qui revient te voir, ça va, mais facilité, c'est un autre toi, là. C'est un peu comme moi, je retourne dans une autre adresse temporelle que lui m'appelle le passé, et je me rends compte où je vis actuellement dans le passé. Et je dis, allô, c'est moi, je viens de l'avenir. Nous avons pris une assurance. 55, oui. Bon, j'ai expliqué des choses, hein. Mais, l'autre en là, 1200, comprendra pas grand-chose. Est-ce que je vais l'aider? Je vais dire, va pas là, tu vas te faire tuer. Tu sais, cours pas après cette reine-là. Mais lui, là, il est hormonalement, puis astralement, puis réincarnationnellement, puis tout le kit pogné à courir après. Tout ce qu'il sait, c'est quand il y a là, il meurt. Oui, mais lui, il attend pas ça. Là, on est averti, là. Non, mais lui, il sera pas moins hormonalement pris, c'est ça que tu veux dire? Ah, il va peut-être encore plus mélanger. Ça veut dire que si les gens ne sont pas prêts et ils rencontrent un transtemporel, ils ne rencontreront pas de façon. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que le contact, ce qui va venir au cours de l'année, il y a des individus, il va y avoir de plus en plus d'individus qui vont avoir des contacts, pas moi, qui ne seront pas instruits, qui vont avoir des contacts avec ces mécaniques-là. Au niveau des transtemporels, le contact direct, c'est 3 ou 4 individus de. Au niveau. De la libération de la gestion financière pour le mois d'avril, ça, il y a énormément d'individus conscients qui peuvent en bénéficier. Pour en bénéficier, il faut que ces individus-là se centrent sur eux. C'est là, c'est ouvert. C'est comme une espèce de programme gouvernemental. C'est là. Faut que tu fasses une demande. Venez-vous pas. Hein? Tu remplisses le formulaire. C'est ça. C'est là. Puis le formulaire, c'est qu'il faut que l'être humain conscientise l'importance de sa vie, cesse de parasiter sa vie, autrement dit, cesse de jouer le jeu de l'astral, cesse d'agir en animal humain. Autrement dit, il faut que l'être humain cesse de faire ce qu'il ne veut pas faire. Il faut que l'être humain cesse de penser que c'est lui qui le fait. Il faut réellement que l'être humain conscientise la mécanique de l'astral pour s'en libérer. En avril, c'est un mois extrêmement, extrêmement intéressant. Le mois d'avril, fin mars, avril, tout le mois d'avril au complet. Et pour ça, c'est important que les individus aient la capacité de se centrer suffisamment dans leur intelligence pour pouvoir, je reviens encore là-dessus, se libérer de la centricité astrale. Et pour se libérer de la centricité astrale, la meilleure chose à faire, c'est, on va en parler dans la prochaine conférence, c'est d'accepter de développer les caractéristiques intrinsèques qu'on a, l'être humain, les véhicules, que l'humain appelle les sens paranormaux, qui en réalité des sens qui nous permettent de voir à travers un paquet de mondes qui sont totalement autour de nous autres en train de nous faire vivre leur vie. on va revenir avec ça lors de la prochaine conférence.